Communication et orientation. Comment les fourmis, presque aveugles, rencontrant dans leur nid une sœur de leur race mais d'une autre famille, savent-elles qu'elles ont affaire à une étrangère? C'est un des problèmes les plus compliqués et les plus obscurs de la fourmilière. Une patiente et ingénieuse myrmécologue, Miss Adèle Field, y a consacré des années sans parvenir à le résoudre d'une manière tout à fait satisfaisante. D'après ses expériences, le sens olfactif, qui chez la fourmi domine tous les autres, réside principalement dans les 7 derniers articles de son funicule, qui est l'extrémité de ses antennes. Chacun de ces articles est consacré à une odeur particulière. Par exemple, l'odeur du domicile est perçue par le dernier segment. Le pénultième discerne l'âge des ouvrières dans les colonies formées de diverses familles de la même espèce. Et l'antépénultième capte le fumet dont la fourmi imprègne le chemin qu'elle parcourt. Quand on enlève le dernier segment, elle entre dans n'importe quelle fourmilière et s'y fait massacrer. Quand on coupe l'antépénultième, elle ne retrouve plus sa piste. Dans un autre article, se localisent les effluves de la reine-mère. L'ouvrière qu'on en prive ne s'occupe plus de la pondeuse ni de la progéniture. Une autre articulation est réservée à l'odeur spécifique. Lorsqu'on la supprime, on peut mêler les espèces les plus différentes sans qu'elles se battent, etc. Notez que l'odeur du domicile n'est pas la même que l'odeur de l'espèce. La première est assez variable et dépend de l'âge des habitants et d'autres circonstances. La seconde est presque indélébile. L'odeur héréditaire est encore différente, c'est l'odeur maternelle que toute fourmi porte depuis l'œuf jusqu'à la mort et qu'il ne faut pas confondre avec l'odeur de la reine qui peut ne pas être la mère de la fourmi en question. Mais il serait téméraire de limiter aux antennes le sens olfactif des fourmis. Il est au contraire fort possible que ce sens ne soit pas humainement localisé dans un organe, mais comme chez d'autres insectes répandu par tout le corps. Minick a récemment prouvé que les papillons goûtent avec leurs pattes et, pour préciser, avec les 4 portions terminales, tarsales et distales, des articulations basitarses de la seconde et troisième paire de pattes. Cette forme de réception des sensations, remarque Wheeler, est probablement très fréquente chez les insectes. Il est de même inutile de distinguer des récepteurs à distance par l'olfaction et des récepteurs par contact pour le goût, car les insectes utilisent leurs antennes d'une façon ou de l'autre, comme pour les sensations tactiles. Ajoutez à tout ceci la vie des odeurs dans la mémoire des fourmis. Elle est également variable. En certains cas, elle persiste durant une dizaine de jours, en d'autres durant 3 mois. En d'autres encore, notamment quand il s'agit de l'odeur héréditaire, elle se maintient pendant plus de 3 ans. Ajoutez-y enfin les mélanges et les superpositions inévitables. Ajoutez-y surtout le rôle électrique, magnétique et peut-être éthérique et psychique que jouent ces inépuisables organes et vous voyez à quelles incroyables complications aboutissent les moindres investigations dans ce petit monde que nous croyons beaucoup plus simple, plus rudimentaire, plus déshérité, plus dénué d'intérêt et d'imprévus que le nôtre. Les antennes, qui chez les fourmis suppléent les yeux, car elles ont la vue si basse que beaucoup sont pour ainsi dire aveugles, supplée encore la parole. Nous les avons tous observées qui allaient et venaient par les sentiers qui environnent le nid. Presque à chaque fois qu'elles se rencontrent, elles s'arrêtent une seconde et se tapotent rapidement du flagellum comme si elles avaient quelque chose à se dire. N'ont-elles pas d'autres moyens de communiquer entre elles? Il est certain que l'alarme, dans une fourmilière attaquée ou simplement inquiétée, se répand avec une rapidité si foudroyante qu'on ne peut guère l'attribuer qu'à un faisceau de réactions cellulaires instantanées et unanimes, nerveuses ou psychiques, comme il s'en produit dans notre corps quand il est sérieusement menacé ou gravement atteint. Mais à côté de ces réactions collectives, il y a incontestablement un langage individuel. Sir John Lubbock a fait à ce sujet de minutieuses et concluantes expériences, par exemple celle-ci qu'il est facile de contrôler. On pose 2 petits vases, à égale distance de la fourmilière. Dans le premier, on met une 50aine de larves ou de nymphes, et dans le second, 3 ou 4. Puis dans l'un et l'autre, on dépose une fourmi. Aussitôt, chacune d'elles se charge d'une larve et la rapporte au nid. On remplace à mesure les larves enlevées, et bientôt on remarque que dans le vase qui contient 50 larves viennent 3 fois plus d'ouvrières que dans celui qui n'en renferme que 3. Il faut donc qu'elles aient pu faire comprendre à leur compagne que dans l'un des 2 vases, il y avait pour elles plus de travail urgent que dans l'autre. Voici encore une expérience du même auteur. Il y avait en observation une petite Lasius niger, constamment occupée à charrier des larves vers le nid. Le soir, il l'enferme dans une fiole et la remet en liberté le lendemain matin. Il reprend immédiatement son travail, il la réemprisonne à 9 heures et à 4 heures la replace près de ses larves. Elle les examine avec beaucoup d'attention, mais retourne au logis sans en prendre. Aucune autre fourmi n'est hors du nid à ce moment. En moins d'une minute, elle revient avec 8 amies et la petite troupe va droit au tas de larves. Quand elles ont fait les 2 tiers du chemin, l'observateur emprisonne de nouveau la fourmi marquée. Après quelques minutes d'hésitation, les autres retournent au nid avec une remarquable promptitude. À 5 heures, il la repose sur les larves. Elle s'en retourne encore sans en emporter une seule, mais après quelques secondes de séjour dans le nid, elle revient avec 13 compagnes. Toutes avaient dû être renseignées autrement que par l'exemple, car jamais en leur présence la fourmi marquée n'avait emporté une larve. Est-ce uniquement par le jeu des antennes qu'elle s'est expliquée? C'est fort probable, presque certain. Mais la contre-épreuve est impraticable, vu qu'une fourmi à qui on enlève les antennes perd le sens de la direction et ne retrouve plus les larves ou le nid. À côté de ces expériences qui établissent la communication, Lubbock en fit beaucoup d'autres, poursuivis durant des journées et relatant minute par minute tous les faits et gestes de diverses lasius mises en présence de leurs larves. Il nous en montre une, par exemple, qui de 9 heures du matin à 7 heures du soir, où on cessa de l'observer, fit 90 voyages aller et retour, du nid au bol où se trouvaient des larves. À chaque voyage, elle en emportait une et revenait toujours seule. D'autres, dans les mêmes conditions, firent 50, 80 voyages, etc., sans être accompagnées. Avaient-elles jugé superflu de prévenir leur compagne, estimant qu'elle suffirait à la besogne? D'autre part, l'expérience des 70 épingles donna des résultats ambigus. Il serait trop long d'entrer dans le détail qui prendrait plusieurs pages. Mais il suffira de savoir que sur 70 épingles, piquées dans un disque de liège, s'en trouvent 3 au haut desquels on fixe un morceau de carton frotté de miel. Au bout de 5 jours, la statistique finale constate que de 157 fourmis, 104 allèrent aux épingles à miel et 53 aux épingles qui n'en portaient pas. Mais n'est-il pas probable que celles qui allèrent au miel y furent conduites par leur odorat qui est, comme on le sait, extrêmement subtil? Le langage antennal doit être fort élémentaire. Ce qui le laisse supposer, c'est que lorsqu'elles ne parviennent pas à se faire entendre, elles ont recours à l'exemple et à l'action directe. Elles entraînent de force celles qu'elles veulent convaincre, leur font suivre le chemin qu'elles auront à parcourir et leur montrent ce qu'elles auront à faire en le faisant devant elles. Au surplus, ce qui démontre qu'il n'est guère compliqué et n'est à proprement parler qu'un échange de sensations, c'est que les insectes parasites, notamment les coléoptères à suintements éthérés, qui n'ont rien de commun avec les fourmis qu'ils corrompent et aux dépens desquels ils vivent somptueusement, le parlent et le comprennent aussi bien que leurs hôtesses. De sorte qu'il ne faut pas exagérer l'importance et les secrets d'une langue qu'on apprend aussi facilement. Néanmoins, les exemples empruntés à Sir John Lubbock, cités plus haut et pris entre bien d'autres, prouvent qu'il ne faut pas en mésestimer les ressources. Le problème des communications est du reste l'un des plus irritants de la fourmilière. Dans certaines circonstances, lorsqu'il s'agit de la construction, de la défense du nid, de la distribution du travail, des opérations militaires, des soins à donner aux larves, de la culture extrêmement compliquée des champignons, de l'entretien, du pacage et de la défense du bétail, de la chaîne à former par les fileuses afin de maintenir en place les bords récalcitrants d'une longue feuille, on admire un concert unanime et instantané qui ne peut, semble-t-il, s'expliquer que parce que les fourmis sont capables de se faire comprendre, d'échanger des conseils ou des ordres, de suivre un plan commun. Mais tout à côté, principalement à propos du maniement d'un fardeau, se révèle le plus souvent une telle incohérence, une agitation si vaine et si stupide, un manque de bon sens à ce point consternant qu'on se prend à douter de leur intelligence. À la suite de longues et patientes expériences, un impeccable et sévère observateur, V. Kornetz, conclut qu'il n'y a pas d'entraide chez les fourmis, que loin de se donner la main, elles se gênent et se contrarient obstinément, et que ce qu'on appelle l'esprit de la fourmilière ne se manifeste pas hors de leur nid, tout au moins quand il s'agit du transport d'objets encombrants et pondéraux. Il suffit d'observer ce qui se passe aux abords de la fourmilière pour se convaincre qu'il a raison. Mais ceux qui tiennent pour le concert n'ont pas tort. Qui croire ? Il est fort possible que les fourmis perdent la tête quand il s'agit de déplacer certains objets, comme il est probable qu'aux yeux de quelqu'un qui nous regarderait d'aussi haut et aussi aveuglement que nous les regardons, en maintes circonstances où nous nous croyons très raisonnables, nous aurions l'air de nous agiter à contre-temps, comme des fous. Il y a assurément dans nos actions, dans notre civilisation, bien des choses qui lui demeuraient incompréhensibles et ne sont pas au point. Au surplus, cet affolement autour des fardeaux est assez passager. Continuez d'observer patiemment et vous verrez qu'elles finissent par arriver au but, que le brin de paille, le bout de bois, l'insecte trop gros qu'elles désirent introduire dans le nid, y disparaît toujours. Ces incohérences, ces anomalies de leur intelligence, surprennent les observateurs. N'ont-elles pas, à leur échelle, les mêmes difficultés que nous, en présence des embûches et de la mauvaise volonté, inexplicable elle aussi, de la nature ? Il ressort surtout de ces observations, comme de beaucoup d'autres d'un ordre différent, que les fourmis en masse témoignent souvent une sorte de génie, mais qu'isolées, n'étant plus inspirées par l'âme collective, elles perdent les trois quarts de leur intelligence. En attendant que la question soit mieux étudiée, disons-nous que s'il est impossible de résoudre de si petits problèmes dont toutes les données tiendraient dans le creux de la main, il y a quelque outrecuidance à nous imaginer que nous avons trouvé la solution de ceux qui se cachent dans les abîmes du firmament. Cette question de l'entraide en éveille une autre qui nous mène à la morale de la fourmilière. Les premiers observateurs, la Treille, le pelletier de Saint-Fargeau, etc., affirmaient qu'ils avaient vu des fourmis secourir les mutilés, soigner et panser les malades et les blessés. Forel, plus circonspect, remarque que si elles semblent s'intéresser aux blessures légères, elles portent hors du nid et abandonnent à leur sort celles d'entre elles qui sont grièvement atteintes. Sir John Lubbock, qui a fait sur ce point les expériences les plus méthodiques, constate que le plus souvent les ouvrières sont complètement indifférentes aux malheurs de leurs compagnes, ne songent pas à leur venir en aide quand elles sont engluées, ou quand à moitié noyées ou ensevelies sous un éboulement, la moindre assistance leur sauverait la vie. Ces indécisions, ces incertitudes, les rapprochent de nous et les éloignent des abeilles et des termites, chez qui l'indifférence aux maux d'autrui ne souffre aucune exception. L'abeille jette impitoyablement hors de la ruche tout ce qui succombe. Le termite le dévore à l'instant. Quant à la fourmi, plus réservée que nos cannibales, elle ne mange même pas les cadavres de ses ennemis. Dans la fourmilière, de même que dans nos villes, parmi ceux qui passent outre, comme dit l'Évangile, s'arrête parfois le bon samaritain. Est-il plus ou moins rare que chez nous ? Les auteurs ne sont pas d'accord. En tout cas, il semble exister, et c'est assurément plus extraordinaire et plus déconcertant que si la charité était universelle et instinctive. Car alors, il n'y aurait plus qu'à la ramener à la loi organique qui la commande, la rend inévitable, automatique, et lui enlève tout mérite et tout reflet humain. Je ne rappellerai pas des traits qui sont, je pense, suffisamment connus et qu'on retrouve dans toutes les études sur les fourmis. Je fais allusion à la petite Fusca, née sans antenne, attaquée par des étrangères et recueillie par des compatriotes qui la portent au nid. À la malheureuse fourmi couchée sur le dos, incapable de se relever et de se nourrir, que ses compagnes sauvent, aux ouvrières ivres mortes, victimes de nos expériences, qui sont ramenées au logis, à la reine des Lasius Flavus, écrasée par mes gardes, que ses sujettes, durant plusieurs semaines, continuent de soigner comme si elle était encore vivante. Hubert, du reste, avait déjà remarqué que 5 ou 6 ouvrières demeurent plusieurs jours auprès du cadavre royal, le brosse et le lèche sans interruption. Soit, ajoute-t-il gentiment, qu'elles conservent pour leur souveraine un reste d'affection, soit qu'elles espèrent la ranimer par leurs soins. Ces exemples, auxquels je pourrais joindre ceux des bras, et que personne, étant donné la qualité des observateurs, n'a jamais mis en doute, nous prouverait que par les sentiers de la fourmilière voyagent plus de Samaritains que sur la route de Jérusalem à Jéricho, qui n'est pas la plus mal fréquentée de nos routes humaines. Il serait bon, du reste, d'examiner à la loupe chacun de ces traits. Le cas de la petite Fusca sans antenne, de l'insecte couché sur le dos, des ouvrières ivres-mortes, tendrait à nous montrer que les fourmis, comme l'avait remarqué Forel, ne s'intéressent qu'aux blessés ou aux malades, qui pourront encore rendre service à la communauté. Pour la reine écrasée et celle de Hubert, il est fort possible que leur entourage ait mis un certain temps à s'apercevoir qu'elles étaient mortes. Néanmoins, acceptons-les et demandons-nous jusqu'à quel point nous pouvons admettre les premières interprétations anthropomorphes. La pitié, la charité n'existent nulle part dans la nature, excepté chez l'homme, en qui elle est vraisemblablement née d'un placement à gros intérêts fait par son égoïsme dans une vie future. Ne lui jetons pas la pierre. Il suit un ordre formel inscrit dans toutes les gouttes de son sang, et tout ce qui vit, hors la fourmi et jusqu'à un certain point le termite et l'abeille, ne peut faire autrement s'il veut se conformer à la loi suprême, éternelle et universelle qui est de persévérer dans son être. Avant l'affaiblissement ou la mort des croyances d'outre-tombe, la charité eut le temps de se transformer en habitudes héréditaires qui devinrent une sorte de sous-instinct de luxe, d'ailleurs assez intermittent et dont les manifestations sont parfois admirables mais peu fréquentes. Que ferons-nous quand cette réserve sera épuisée? Trouverons-nous une autre raison de nous aimer les uns les autres et de préférer par moments notre prochain à nous-mêmes? C'est possible, car tout finit par arriver. Mais nous n'avons pas l'air de chercher cette raison, et dans l'entretemps qui sera long, l'humanité se sera peut-être exterminée, ou du moins tellement abîmée, qu'il faudra tout recommencer. Quant à la fourmi, elle ressemblerait évidemment à l'homme qui n'attend rien du ciel ou de l'enfer si elle n'avait sa charité régurgitative qui est une volupté, et sa religion qui est l'amour de la masse dont elle fait partie, sans laquelle elle n'existe point et qui représente sa propre vie agrandie et multipliée. Dans quelle mesure ce sentiment s'apparente-t-il à ce que nous appelons charité? Il nous est naturellement impossible de nous en rendre compte. Puisque nous voilà dans les problèmes difficiles, abordons-en un autre également scabreux, le problème de l'orientation ou de la direction. On sait que nombre d'animaux, notamment les pigeons voyageurs et les oiseaux migrateurs, ont un sens spécial qui permet aux premiers de retrouver leur colombier éloigné de plusieurs centaines de kilomètres, aux seconds de rejoindre leur nid ou leur séjour habituel situé par-delà les mers dans un autre continent. On est à peu près d'accord aujourd'hui pour localiser ce sens dans les canaux semi-circulaires de l'oreille, qui joueraient le rôle de récepteurs radio-goniométriques, en d'autres termes, qui capteraient certaines ondes dont les unes sont connues et les autres encore ignorées. Des animaux terrestres, le cheval par exemple, et même quelques hommes, principalement les Esquimaux et les nomades du Sahara, posséderaient un don analogue, mais moins développé. Faut-il l'attribuer aussi aux canaux semi-circulaires, ou à une faculté analogue qu'on a appelée la faculté d'Exner, et qui serait la sensation et la mémoire des positions dans l'espace du plan médian du corps? Ainsi présentée, cette faculté ne semble-t-elle pas un peu proche parente de la virtus dormitiva, de l'opium moliéresque? Y a-t-il plus simplement mémoire ou repérage inconscient, visuel ou olfactif? Est-ce peut-être autre chose, dont nous n'avons encore aucune idée, et que les hommes qui la possèdent sont incapables d'expliquer? Ne nous hasardons pas dans ce labyrinthe dont, malgré nos canaux semi-circulaires, nous ne sortirions pas facilement, et contentons-nous de résumer ce que nous apprend sur ce point l'observation de la fourmi. On admet que l'orientation de l'abeille ou de la guêpe est presque exclusivement visuelle. Il n'en saurait être de même pour la fourmi qui, en général, est à peu près aveugle ou dont la vue ne porte pas plus à 3 ou 4 centimètres. Des expériences très serrées de Sir John Lubbock, faites à proximité du nid, il résulte que les fourmis se servent beaucoup moins de leurs yeux que nous ne le ferions dans des circonstances analogues, mais que pourtant, leur vue les guide dans une certaine mesure. D'un côté, bonnet, J.H. Fabre, brun, cornets, en coupant, en balayant, en inondant, en désodorisant leurs pistes, ont établi que le sens olfactif ne joue également, dans le maintien de leur direction, qu'un rôle assez secondaire, et qu'après quelques tâtonnements, elles raccordent parfaitement ce qu'on appelle le rail odorant. Les dernières expériences de V. Cornets, le perspicace observateur algérien, constatent qu'une fourmi prise au gîte, mais bien entendu au moment où elle ne revient pas de voyage, est portée au loin, ne fait que tournoyer et ne retrouve pas son nid. Au contraire, présentez à une fourmi hors de chez elle des aliments sur un plateau, transportez ce plateau n'importe où, à l'ombre ou au soleil, pendant que l'ouvrière remplit son jabot, faites-le tourner doucement du nord au sud, par exemple, l'insecte, c'est le cas de le dire, ne perdra pas le nord et rentrera directement chez lui. Il possède et garde donc imperturbablement la bonne direction sans se soucier du tête-à-queue qu'on lui a fait faire à son insu. Cette épreuve et d'autres analogues ne le mettent presque jamais en défaut. Et V. Cornets en tire cette formule: la prise de retour est fonction de l'aller fait au cours d'une exploration, sans être fonction de souvenirs visuels, tactiles ou olfactifs. Néanmoins, on peut la dérouter en lui présentant sur la voie du retour, qui va du sud au nord, par exemple, un appât qu'on transporte avec elle pendant qu'on le déguste, par-delà son nid, après lui avoir fait accomplir un demi-tour sur elle-même. Elle replacera son corps parallèlement à la direction du sud-nord qu'elle suivait sans s'apercevoir que son nid est dépassé, qu'elle lui tourne le dos et qu'elle s'égare définitivement. Mais quelle intelligence humaine réussirait à déjouer des pièges aussi diaboliques? À quoi attribue-t-on, comment explique-t-on cette faculté? C'est ici que commencent les difficultés ou qu'elles recommencent. Je n'entrerai pas dans le détail des théories diverses et assez confuses qui aboutissent toutes à un aveu d'ignorance plus ou moins bien masqué. On évoque tour à tour un élément mnémonique qui rappelle le nid ou une représentation du point de départ, grâce à quoi l'insecte replace l'axe de son corps de manière à avoir son nid derrière lui. Ce qui ne fait que transposer la question. On parle de « homing instinct », ce qui est purement verbal. D'une marche compensée qui équilibre les écarts par rapport à un axe. Mais c'est toujours cet axe qu'on ne justifie point. On parle encore de tropisme et de phototropisme, du repère visuel que serait le soleil. Même à l'ombre ou dans l'obscurité, parce qu'il y a des radiations qui traversent les corps les plus opaques, et à ce propos, n'oublions pas que la fourmi est sensible aux rayons ultraviolets. Tout se passe, nous dit d'autre part Rabot, comme si l'animal, parti dans une direction quelconque, se trouvait de ce fait polarisé. Il y aurait un repère inconnu qui continuerait d'agir après transport, déterminant à nouveau, complète Cornets, une progression parallèle à l'ancienne. C'est encore répondre à la question par une autre question. Cornets développe ensuite le topochimisme de Forel, qui ne serait pas seulement olfactif, mais agirait à distance et ferait que la fourmi pourrait avoir comme un panorama odorant et même en relief, lui permettant de percevoir l'odeur allongée d'un objet, une odeur plate ou pointue. En un mot, si je l'ai bien compris, une odeur à trois et peut-être à quatre dimensions. Elle aurait donc ainsi une topographie de nature chimique avec des odeurs comme éléments d'énergie spéciale. Elle sentirait à distance des émanations odorantes qui prolongent en l'air leur géographie physique de l'espace, mais d'une façon plus confuse. Ainsi, ajoute E. L. Bouvier, pourvu de ce sens topochimique qui leur fait connaître les formes et les relations des formes, elles sont capables de distinguer à leurs champs odorants les différences que présentent les traces d'aller et de retour sur une piste, le côté droit et le côté gauche de celle-ci, par conséquent, la direction qu'elles doivent y prendre. Non sans quelque embarras, les ouvrières de Forel trouvaient la bonne voie quand leurs yeux avaient reçu un vernis opaque. Les antennes coupées, elles en étaient complètement incapables. L'odorat, bien plus que la vue, joue donc un rôle essentiel dans ce phénomène. N'oublions pas, pour ne rien passer sous silence, de mentionner encore le repérage interne, qui nous ramènerait au canot semi-circulaire dont le minuscule cerveau de la fourmi est, paraît-il, dépourvu, mais qui pourrait être remplacé par les antennes, le sens des angles de Cornetz, le sens des attitudes de Bonnier, qui permet de corriger les déviations et de marcher parallèlement à la direction primitive. Mais quelle est la nature de ce sens? Nous revenons toujours à la même question, puisque les hypothèses reviennent toujours sur elles-mêmes. Du reste, Cornetz fait observer qu'elles peuvent conserver leur direction quand on interrompt chez elles la succession des sensations angulaires, ce que prouvait d'ailleurs l'expérience de Lubbock. N'oublions pas non plus la mémoire musculaire de Pierron, c'est-à-dire la mémoire des divers mouvements effectués pour aller d'un point à un autre, mémoire réversible et permettant le retour au lieu d'origine. Brun, à la suite de l'expérience de Pierron, nous dit enfin que la fourmi se comporte comme si elle avait une boussole où elle pourrait lire l'absolue direction de son voyage, et un podomètre qui lui indiquerait constamment, aux divers points de la route, la distance qui reste à parcourir. Je croirais plutôt qu'elle est elle-même la boussole ou l'aiguille qui marque la direction du gîte. Boussole ou aiguille qui, au nid, sommeillerait, inerte et désaimantée, et ne reprendrait des propriétés para- ou pseudo-magnétiques que lorsqu'elle serait resensibilisée ou rechargée par le trajet de l'allée. Car dans un monde qui diffère à tel point d'une autre, rien ne nous dit qu'il n'y ait pas des forces analogues à notre magnétisme ou à notre électricité, dont nous ne soupçonnons pas encore l'existence. Évidemment, tout cela paraît bien compliqué, mais c'est probablement très simple pour la fourmi, dont les organes n'ont avec les nôtres que des rapports plus apparents que réels. Voilà où en est la question. On nage encore en grande eau et l'on voit quels étranges mystères grouillent au fond des plus petites vies.